C'est juste un petit essai pour voir comment les choses se passent. Voilà. Mais ça marche pas. Salut mon ami. Ça y est, tu étais 2 minutes en avance. Oui, oui, mais c'est exprès. C'est exprès parce que je suis en train de faire des essais d'enregistrement. Alors, pour faire ces essais d'enregistrement, j'ai 2 canaux. Bon, c'est un peu le build, on verra un peu à la sortie comment les choses se passent. Comment vas-tu, toi? Eh bien, ça va. Là, on fait du garde-malade. Du garde-malade, ouais. C'est ouais, ta belle-mère. Ma belle-mère qui est à l'hôpital, donc en fait, pour permettre à mon beau-père d'aller prendre l'air un peu, ouais. Avec le frère et la sœur de Sylvie, ils sont partis donc à la campagne, et nous restons là pour aller voir la grand-mère. D'accord. Régulièrement. Elle est installée où ça? Elle est à Paris, là. Oui, mais là, on est à Nanterre et elle est à l'hôpital Foch. À Foch. À Paris. D'accord. OK. Bon, ça se passe bien? Tu maîtrises la situation? Oui, enfin, de toute façon, là, c'est l'hôpital qui maîtrise la situation. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas de. On y va pour le moral un petit peu, mais en fait, on ne s'attend plus à grand-chose, puisque, en fait, ils recherchent et ils ne trouvent rien. Donc. Ils ont fait, je dirais, la médecine a fait son possible. Maintenant, c'est elle et c'est le palliatif. Voilà. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Ben, elle avait un cancer de la bouche. Ah oui. Elle qui n'a jamais fumé. Et bon, donc il y a un moment où on lui a proposé une opération. Il fallait dire oui ou non. S'il n'y avait pas d'opération, c'était 6 mois après, c'était le décès. Hein, il y avait pas. Ça allait beaucoup trop vite. Et donc, elle a choisi l'opération qui lui a déformé un peu le visage. Et depuis, en fait, ça va de mal en pis parce que le cancer est arrêté. L'opération, la bouche petit à petit revient en place, d'ici fait que ça lui donne un visage un peu plus agréable qu'au départ. Mais elle ne se supporte pas dans cette situation-là, d'ici fait que, en fait, elle dépérit. Et du coup, elle respire moins, elle est claustrée, elle est repliée sur elle-même, et dans la mesure où elle respire moins, bah les poumons sont de moins en moins performants, et voilà, ouais. Ça part en brioche. Ouais, ouais, ouais. Quel âge a-t-elle? 83. Ah ouais, bon, bah. Et ben voilà des enseignements dont il faut tirer, hein. Ouais. Oui. Moi, je suis quand même très perplexe sur le... sur le destin que notre société impose à ces vieux. Voilà. C'est-à-dire, oui, d'accord, l'espérance de vie augmente, mais dans quel état, en gros. On arrive à maintenir des gens très, très, très longtemps. Elle est super costaud, elle pourrait tenir dans cet état de dépendance pendant des années. Et tout aussi bien, c'est son mari qui mourra le premier, quoi. Mm-hmm. Mais en fait, elle est de plus en plus dépendante, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh ben, écoute, avec Michaela, on s'est donné un objectif, c'est d'essayer de mourir en bonne santé. mais bon, c'est pas gagné, quoi. Bon, à part ça. Alors, j'ai vu que tu écrivais beaucoup en ce moment. Voilà, je lance les choses puisque, en fait, on a préparé ces dernières années, en fait, avec des amis, un peu cette espèce de... comment dire ça chemin de, c'est pas Saint-Jacques de Compostelle, mais je dirais chemin d'émerveillement, en allant à droite et à gauche et en repérant des sites intéressants pour tous ceux qui ont besoin d'être remotivés pour la vie, en gros. Et bah, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les choses en place, si on veut, comme je l'ai annoncé à pas mal de gens, commencer à mettre en place des petits séjours qui permettent d'une part de découvrir et de s'émerveiller, et d'autre part de créer. C'est ce que j'avais un peu préconisé à un moment, et que ça devait démarrer en 2021. Donc là, 2021, c'est bientôt. Dans des conditions qui ne sont peut-être pas exceptionnelles, mais pour moi, elles sont, j'allais pas dire parfaites, parce que c'est vrai que ça ennuie tout le monde, cette sphère de coronavirus, mais ça permet à beaucoup de gens de se poser les questions, et ça, c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est vraiment essentiel. D'accord. Et tu vois des déplacements, j'ai vu vers les marbres de Carrare, c'est intéressant, ça, comme destination. Alors, on a deux. En fait, on avait fait une reconnaissance sur les Canaries, oui. Pour aller toucher la roche là-dedans. On avait. Et puis ramener en fait quelques échantillons, comme j'ai fait là. Justement, j'avais ramené en fait de la lave cordée, des trucs qui parlent, des choses qui parlent à chacun, pour pouvoir ensuite créer à partir de ça. Et ça peut se faire à partir de ces morceaux de lave ou d'autre chose, récupérés là-bas, mais récupérés dans une petite valise, bien entendu. D'accord. Qu'est-ce que tu veux créer à partir de la lave? Alors, là, le cheminement, c'est sur les éléments, hein, à commencer par la terre. Et à partir de la lave, j'ai déjà commencé, en fait, à provisionner de la terre, à modeler, et des fibres. Parce que ça a été une de mes spécialités, justement, de travailler avec les matériaux fibreux. Et ma fille, finalement, a pris la suite derrière, puisqu'elle travaille sur les composites, maintenant, en tant que... Bah, les docteurs en la matière, quoi. Alors, elle est largement supérieure à moi. c'est très chouette. Et de dire, bah, voilà, on a devant nous des matériaux qui sont super intéressants pour pouvoir créer de l'émerveillement. Créer... Bon, là, il y avait un petit reportage qui a été fait par Arte il y a quelque temps et que j'ai re-regardé sur Arte en review. Sur Carrare et sur l'exploitation industrielle qui est en train de s'installer sur place parce que les Chinois sont devenus friands du marbre de Carrare et donc en fait on est en train de négocier tranquillement la montagne pour pouvoir mieux vendre. Quoi. Tu y as déjà été à Carrare ? Non, j'ai un ami qui nous a proposé, c'est lui qui nous a proposé en disant bah, il est allé en fait passer 8 jours là-bas. Il s'est fait quelques amis, des sculpteurs, qui seraient prêts à accueillir un groupe, justement, là-dessus, pour toucher la pierre et puis s'initier un petit peu à sa mise en valeur et à la sculpture. D'accord. Donc, il y a un premier pas. Le site en lui-même, moi, je l'ai visité il y a une quinzaine d'années, le site en lui-même, bon... C'est impressionnant par tous ces grands câbles qui découpent la montagne, mais derrière ça, effectivement, aller voir un petit peu... Ce qui est joli aussi, c'est le secteur, hein, la région est très jolie, la région est très jolie, mais aller en Italie, je sais pas, moi ça me... Oui, en Toscane, ça me laisse un petit peu, dubitatif, mais bon. Et par ailleurs, c'est une des plus grandes réserves d'eau d'Italie, cet endroit-là. Donc, il y a pas mal de choses à voir en matière d'eau, avec des canalisations, enfin plutôt des tunnels qui ont été créés à même la montagne pour aller chercher cette eau. Il y a de quoi faire, quoi. D'accord, ok. Alors ça, c'est pour la partie voyage. Oui. Tu as également commis deux autres mails, mais j'aimerais que tu m'en parles. D'abord, j'aimerais que tu me racontes un petit peu, si tu en es d'accord, le pourquoi de ta communication aujourd'hui. Autant les voyages, je comprends, mais le reste, c'est un petit peu abscon pour moi. Comment tu vois les choses ? Alors, en fait, il y a un problème de communication, puisque les personnes qui se sont montrées intéressées ont des moyens de communication qui sont extrêmement variés. Ce qui fait que pour les informer, ou pour eux, pour nous informer, je suis obligé d'être la plaque tournante et de faire en fait les répercussions, ce qui est extrêmement lourd. Et donc il y en a qui sont au papier, il y en a d'autres qui sont uniquement au téléphone et pas au SMS, il y en a d'autres qui sont au SMS, il y en a certains qui sont sur WhatsApp, il y en a d'autres qui sont sur... Enfin, c'est un peu problématique. Alors justement, parce que ça, tu as évoqué cette question-là dans un de tes mails. Est-ce que tous ces gens dont tu parles, là, qui ont des vecteurs et des médias bien, bien disparates, est-ce qu'il y a, tu ne pourrais pas les rassembler sur un seul et même, médium? Est-ce qu'un site internet, est-ce qu'une boîte mail, voilà, il y a... C'est un problème, parce qu'il y en a qui sont uniquement au téléphone, et il y en a d'autres qui, en fait, m'ont dit « non, on ne veut pas être mêlé ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de, tu sais, les questions de la préservation des informations personnelles et choses comme ça. Ce qui fait que, voilà, il y a ça qui s'est greffé en plus. Ouais. Mais ça m'amène à me poser une question. Quel type de population tu as autour de toi ? Quelle est ta problématique de communication, outre le fait qu'il y ait des disparités énormes entre les uns et les autres ? Est-ce qu'on ne peut pas, je dirais, régler les choses une bonne fois pour toutes ? Voilà. Bon. Et quel casse ça occasionnerait si tu amenais les uns et les autres sur un seul et même média ? En fait, bon, je crois qu'on en avait un petit peu parlé déjà. Il y a le groupe sur WhatsApp qui permet d'échanger les informations dans l'immédiateté, c'est-à-dire sur place, les plantations en soif, enfin voilà. Bon, ma réflexion a quand même amené Gilbert à se mettre sur WhatsApp. Alors ça, c'est super, parce que c'est lui qui est le plus proche. Oui, tout à fait. Bon, jusqu'à présent, il n'y était pas. Il ne voulait pas y être. Bon. Donc, de ce côté-là, c'est réussi. Par contre, il y en a d'autres que j'avais mis sur WhatsApp et qui en sont sortis en disant « protection des données, tatata ». Bon. Protection de la vie privée. Bon. Ceci étant, quand je les ai questionnés sur SMS, ils m'ont répondu par mail que... Alors, tu vois le bazar que c'est. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas essayer de ramener tout le monde au même endroit, quoi, et d'avoir quelque chose qui leur donne confiance? Parce que si j'ai bien compris, ils veulent pas perdre leur âme dans... Je suis un peu perplexe, si tu veux, parce que moi aussi, je travaille avec un certain nombre de groupes dans tous les sens, et j'en suis arrivé au fait que si tu n'as pas aujourd'hui Internet et si tu n'as pas une boîte mail, moi, je suis incapable de faire avancer un groupe, quel qu'il soit. Hein. Bon, ça, la boîte mail, c'est le premier point. Alors après, trouver le bon média qui va donner envie aux uns et aux autres d'avancer, de s'informer, d'avancer et de communiquer, c'est peut-être ça une piste qu'il faudrait rechercher. Et en y réfléchissant, parce que je me doutais bien qu'on allait parler de ça aujourd'hui, je me suis dit que tu, par exemple, en l'espace d'une semaine, tu as envoyé trois mails. Oui. Un, deux sur le jardin et un troisième sur les voyages. Bien. Tu m'excuseras, mais WhatsApp, bon, je peux y aller. Hein, la preuve, c'est que lorsque tu me rappelles à l'ordre, je vais voir que j'ai un mail. Mais bon, si tu veux, entre les uns et les autres, ça devient un peu aussi compliqué pour moi. Mais je pense qu'il faudrait que tu ramènes tout le monde au même endroit Et pour ça, il faut leur donner confiance. Et pour leur donner confiance, il faut avoir, je dis, un discours assez sécurisé et dans lequel ils se reconnaissent. Non, il n'y a pas moyen d'aller vers le merveilleux, si tu veux. Et je t'avais proposé, moi, et d'ailleurs je souhaiterais, si tu en es d'accord, qu'on continue, qu'on rentre dans notre jardin, qu'on en passe la porte, et puis qu'on commence à avancer sur ces cheminements vers le divin. Mais à mon sens, il faudrait que tu rationalises tout ça, parce que sinon tu vas y perdre ton âme, hein, tu n'y arriveras pas. Hein. Voilà, alors c'est un peu l'objectif de septembre, où normalement il y a des présentations qui sont normalement prévues, et je compte bien là-dessus pour faire un peu le point et choisir la meilleure méthode. Il y en a qui vont venir, il y a des gens qui sont maintenant, si on est dans une deuxième vague de reconfinement, je sais pas. Ouais, c'est ingérable, si tu veux. Hein, ça dépend pas de nous, et c'est pour ça qu'il faut essayer de dépasser un petit peu tout ça, de pas rentrer dans cette problématique-là, parce que là aussi, tu perds ton arbre, quoi. Bon, oui. Faut en tenir compte, mais je pense qu'il faut surtout avoir un fil directeur. Et s'y tenir, si tu veux. Et je pense que pour s'y tenir, il faut que tu donnes envie. Et à mon sens, le bon plan pour rassembler, hein, un plan fédérateur et rassembleur, eh bien, c'est ton jardin merveilleux qui se concrétise par un site, mais sur lequel tu as un projet, sur lequel tu as les moyens de créer quelque chose et de trouver quelque chose d'enthousiasmant qui soit fédérateur pour les autres. Et c'est, à mon sens, vers cette voie-là que moi j'irai, quoi, si tu veux. Mais il faut un seul support, quoi. Ou deux grands maximum. Mais tu ne peux pas gérer des SMS, des WhatsApp, des mails, des sites, des trucs et des machins. Voilà. Ouais, c'était un peu pour ça, moi je voulais créer une prise de conscience. Bon, il y en a quelques-uns qui ont pris conscience et qui finalement, après ça, m'ont envoyé un SMS ou m'ont téléphoné carrément pour me dire, moi j'ai pas voulu rentrer dans WhatsApp parce que, enfin je me suis retiré de WhatsApp parce que si, parce que ça. Donc c'est expliqué, mais par contre, les personnes se tiennent au courant de l'avancement du projet. Certains ont peu de temps à y passer, donc ils se tiennent au courant parce que ça les intéresse, mais certains sont proches de la retraite, donc ils vont rentrer dedans à partir du moment où. Voilà, c'est petit à petit, on a les explications, quoi. Mais c'est vrai que ça partait un peu partout, dans tous les sens, quoi. Et le banquier suisse, où est-ce qu'il en est ? Lui, pour l'instant, il faudrait qu'il sorte du confinement. Les Suisses, ils sont peu heureux, ils sont plus peureux que les Français. Alors bon. Ouais. Il laisse travailler en fait les étrangers, mais eux, ils sortent pas. Mais même les banquiers, en tout cas, on l'a vu au niveau de Strasbourg lorsqu'on est allé dans des banques, mais ils foutent rien. C'est pas possible en ce moment. Ils foutent rien. Hein. Ils sont protégés, t'as une seule personne qui est derrière plexiglas, machin et tout ça, et en plus qui prend des précautions pour que, en fait, ils te voient pas. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, mais le banquier, c'est toujours planqué, si tu veux. Ça, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Mais à aujourd'hui, on voit au niveau des banques, et je t'en parle un petit peu en connaissance de cause, on voit des banquiers qui prennent le téléphone, qui vont voir leurs clients physiquement. Moi, j'ai un banquier qui est venu me voir et à mon domicile, puisque moi, je ne voulais pas aller dans sa banque. Donc, il est venu à mon domicile. Il est resté dans le couloir et nous avons échangé dans le couloir. De chez moi, si tu veux. Tu vois ? Il se passe des drôles de trucs. Bon, alors, somme toute, comment puis-je t'aider aujourd'hui à avancer dans quelque chose de raisonnable et dans lequel tu te sens l'envie d'aller ? Aujourd'hui, je dirais pas plus que... Je dirais sans doute moins que d'habitude, puisque là D'accord. on est plutôt en vacances, on est un peu secoué par D'accord. cette affaire de grand-père et de grand-mère. D'accord. Je sais pas trop, je suis un petit peu ce qui se passe au niveau de la génération qui précède et de l'impact sur la génération dont ma femme en fait partie, quoi. Parce que y a le moral, c'est le moral de tout le monde là qu'il faut soutenir. Sylvie va pas bien? Hein? Sylvie va pas bien? Ah bah Sylvie, elle est pas, elle voit sa mère tous les jours en ce moment et c'est vrai que elle la voit descendre, quoi. Et elle la voit descendre. Moi je dis qu'il faut qu'elle aille ailleurs parce que chaque fois qu'elle va à l'hôpital, de toute façon, c'est pour descendre, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et elle est encore bloquée. Alors, tant qu'elle est bloquée, en fait, on n'arrive pas à voir le soleil. Donc, et là, il faut que faut que je cultive son moral. Donc, on joue, on sort, voilà. Enfin, C'est bien d'avoir été au musée Guillemet, c'est intéressant, hein? de quoi? Le musée Guillemet où vous avez été, Guillemets, oui. oui, ça c'est intéressant, ça c'est très Ah, intéressant. c'est super, là. On est resté un bon moment dans le côté japonais, là où ils ont bien développé ces questions de symbolisme. C'est super. Hein. Et tiens, Ouais. puisque tu parles de symbolisme, est-ce que tu as avancé dans le dictionnaire des symboles? Ah. Ouais, Celui-là. tu l'as le pavé, voilà. Voilà, le pavé. Le pavé un peu jauni, mais en fait les symboles ils n'ont pas trop varié au cours des temps. Hein. Donc c'est bien, mais dis donc, neuf, il vaut cher hein, ce bouquin-là. Oui, je sais, je sais, je sais. Là je l'ai pris d'occasion, mais il vaut cher. Bah, moi, le mien est devenu d'occasion, mais je l'ai acheté neuf, comme le... Bon. Et Ouais. alors, est-ce que Alors là tu dis donc, l'as moi j'ai parcouru, commencé, ce que... je t'avais écrit, j'ai commencé à lire en fait l'introduction pour savoir un peu comment les choses sont présentées. Et puis, au fur et à mesure que je lis autre chose, c'est-à-dire notamment des gens comme René Clément, qui parlent un peu de paysages et de jardins, et qui commencent, et qui, en partie, justement, font appel à cette symbolique. Et donc, au fur et à mesure que j'avance, quand il parle de symboles, hop, je vais dans le dico pour voir un D'accord. petit peu ce qu'on en dit. Voilà. D'accord. Donc petit à petit, j'avance. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu une prise de tête. Ah oui? Hein. Parce que j'ai jamais fait. Ah bon? Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu n'as jamais fait? La Ouais, ce symbolique? genre de choses. Je dirais le parcours symbolique, je ne l'ai jamais fait. Alors attends, jusque-là, j'en ai Je fait suis large. dans le symbolique, je dirais, de façon au niveau sensitif, mais pas au niveau culturel, quoi. D'accord. Oui, mais je pense que il est nécessaire que tu, me semble-t-il, hein, commençant à te connaître un petit peu, il est nécessaire que tu affines un petit peu cette approche culturelle, parce que ça va être un vecteur par lequel tu vas pouvoir, sur lequel tu peux communiquer, si tu veux. Et le symbole est un des merveilleux outils de communication qui est à notre disposition. C'est pour ça qu'il faut savoir le manier avec prudence et puis circonspection, mais c'est la façon d'être très vite compris. Le symbole, est-ce qu'il te permet d'être rapidement perçu par l'autre et de rapidement te mettre au diapason de l'autre? Tu as un échange extraordinaire quand deux personnes parlent de symbole et échangent autour d'un symbole, elles se grandissent mutuellement à travers quelque chose qui les dépasse. Et je pense que c'est un élément quand même qui est très très intéressant et qui peut te permettre de mieux communiquer plus facilement. On voit que Ah tu... mais je l'ai bien compris comme ça et c'est pour ça que je me suis lancé dedans parce que quand je dirais le rapprochement par la religion, c'est pas du tout la même chose. Parce que, en fait, dans certains cas, ça rapproche, dans d'autres cas, ça éloigne. Complètement. Alors que le symbole a tendance plutôt à regrouper, à attirer. Tout à fait. C'est pour ça que finalement, ton parcours, le parcours que tu me proposes, m'intéresse. Voilà. Eh ben c'est bien que ça t'intéresse. Je voulais pas que, je veux pas que ça t'effraie non plus, parce que quand on n'est pas trop familiarisé avec ces questions-là, ça peut faire peur, on peut avoir peur de l'autre. Mais maintenant qu'on commence à mieux se connaître et à mieux s'apprécier, je pense qu'on va pouvoir élever, et réciproquement, hein, parce que sache que à ta façon, tu m'apportes beaucoup. Tu m'apportes beaucoup, tu m'enrichis beaucoup, parce que devant tes difficultés, devant la tâche et tous ces objets et cet objectif que tu t'es fixé de nous conduire vers le merveilleux, tout en étant toi-même un peu profane en la matière, c'est des choses que tu ressens, si tu veux, mais que tu as du mal à accoucher, quoi. Hein. Et pour ça, Platon a été un des vecteurs les plus étonnants qui soit, à travers la maïeutique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la maïeutique ? Oui, tu m'en avais parlé. Ah, j'en ai déjà parlé, oui. Donc, oui. Parce que c'est la capacité qu'a l'homme à se transcender en accouchant dans une clinique, hein, parce qu'il fait ça avec les autres, et il partage avec les autres, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à... une grande potentialité, voilà. C'est une méthode pédagogique que j'ai pratiquée, cet accompagnement tout en apprenant soi-même. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai commencé à enseigner le ski en apprenant le ski. Bien sûr. C'est ça qui est marrant. Mais bien sûr. Par exemple, je suis passé du génie civil à l'hydraulique, qui n'était pas du tout mon domaine. J'ai appris l'hydraulique en même temps que j'ai appris aux élèves, et j'ai jamais eu des contacts aussi parfaits que justement en les accompagnant sur le même chemin avec des questions auxquelles on répond, mais en cherchant en même temps. Il y en a un qui sait, puis l'autre qui sait pas. Oui, mais tu sais pourquoi ce qui se passe là? C'est de la sympathie, dans le vrai sens du terme. Oui, il y a la sympathie, et puis il y a une pédagogie bien comprise, quoi, parce que tout à fait immédiate, tu intègres un savoir, et ton obligation première n'est pas de le garder pour toi, mais de le retransmettre. C'est ça. Et l'intégration, elle n'est que dans la retransmission. Si tu n'as pas retransmis, tu n'as pas intégré. C'est ça. Hein? Et ça, c'est extrêmement riche. Et c'est pour ça aussi, si tu veux, que tu as un grand schisme aujourd'hui dans le monde enseignant entre le maître et l'élève, parce que il n'y a pas cette sympathie que tu évoques. Il y a une trop grande distance entre les uns et les autres, entre l'un qui a intégré un enseignement théorique et qui a devant lui quelqu'un qui veut de la pratique. Moi, je vais prendre un exemple personnel. Moi, les études, ça m'a toujours gonflé. Je me suis emmerdé à l'école, mais vraiment emmerdé à l'école. Et j'ai commencé à décoller le jour où je devais retripler ma première, tu vois dans quel cas figure j'étais, je devais retripler ma première, et où je me suis, puisque je devais retripler, je me suis dit, attends, je vais m'intéresser à la philo, parce que ça, la philo, ça m'intéressait. Et donc, tout en étant en première, j'allais suivre les cours de philo chez mes copains en classe. Voilà. Pendant cette même année, c'était l'époque où on apprenait la trigonométrie. Bon, alors, les maths, je t'en parle même pas, c'était une catastrophe, quoi. Et arrive la trigonométrie, où là, on passe à des mathématiques appliquées qui me servaient à quelque chose, qui était clair et compréhensible pour moi parce que c'était pratique. Mmh. Hein? La trigonométrie, c'est... Bon, voilà comment j'ai décodé les choses. Eh bien, j'ai eu 20 sur 20 dans une composition de trigonométrie, quoi. Donc, alors que j'étais nul dans le reste, quoi. Donc, le prof, il pensait que j'avais pompé, quoi. Et donc, voilà pourquoi, moi, au sortir de tout ça, bon, après, j'ai fait quelques études et je les ai faites volontiers parce que ça m'a... Parce que c'était mon engagement, quoi. J'étais pas obligé d'aller à l'école, pas obligé. Bon, c'était mon engagement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré en franc-maçonnerie très jeune, très très jeune. Parce que là, j'avais un vrai enseignement à travers la symbolique, à travers quelque chose que je comprenais, quelque chose que je faisais mien, et dans les différents degrés de la maçonnerie qui te permettent d'évoluer dans cette école de pensée, parce que c'est une très belle école de pensée, eh bien, j'ai bien progressé et je me suis épanoui, même éclaté. Là-dedans, je me suis éclaté. Le seul regret que j'ai eu, quoi, c'est qu'il y avait des vieux cons qui... Bon, mais ça, c'est ce qui m'a fait quitter. Mais... bah oui, mais bon. Mais indépendamment de ça... c'est une discipline qui m'a beaucoup appris, beaucoup enrichi. Hein. Mmh. Et la symbolique est l'assise même de la réflexion maçonnique. Quoi. Voilà pourquoi je pense que ça peut être une voie qui peut être intéressante pour toi, qui peut être un bon moyen et un bon vecteur de communication pour aller vers les autres, puisque tu as envie d'aller vers les autres. Hein. Et ça, ça se sent bien à travers toute ta prose. Mais cette prose, aujourd'hui, et là, je vais être un petit peu critique, et elle me paraît un peu dissolue, si tu veux. Et on ne te comprend pas vraiment, on ne comprend pas vraiment où tu veux en venir, si tu veux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait être un tout petit peu plus pragmatique et que tu prennes tes ouailles et que tu leur fasses franchir ce rite de passage pour les amener sur le terrain du jardin merveilleux et que là, tu, au détour de toute cette grande sinusoïde que va être ton jardin, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, ce sera peut-être tout à fait autre chose, mais bon, et cette grande sinusoïde, eh bien, tu vas être compris, tu vas être apprécié, et tu vas permettre aux êtres de grandir. S'ils ne grandissent pas, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que les gens ont besoin de... ils ont besoin de s'éclater, quoi. Ils ont besoin de s'éclater, mais ils ont besoin d'avoir confiance. Et je pense qu'une des vraies problématiques que tu as évoquées à travers ces différents médias, eh bien, y a le problème du capital confiance. Et je pense que établir avec un média dans lequel à peu près la grande majorité de son groupe peut se reconnaître, eh bien, permettrait d'acquérir ce capital confiance qui va être nécessaire pour faire avancer notre jardin. Je dis notre, c'est le tien, mais moi, c'est le mien aussi, hein, parce que mon jardin, moi, ça fait quand même quelques années que je le cultive, mais voilà. Ouais. Et ça me paraissait intéressant d'échanger avec toi là-dessus, hein ? Oui, Pierre, là, je disais que en matière d'émerveillement, petit à petit, en fait, cette partie reclue, comme on l'a eu aussi en matière de confinement, en fait, fait que je commence à avoir pas mal d'idées à mettre sur le... C'est-à-dire pour l'aménagement du terrain, d'ailleurs, je l'ai mis dans le... Dans ton dans le Dropbox. Dropbox. Voilà, donc, maintenant, il faut canaliser tout ça, il faut bien l'architecturer, il faut que tu aies une bonne fondation. Et à mon sens, cette bonne fondation, ça va être la capacité que tu vas avoir de prendre ton auditoire en main, de lui faire passer ce rite de passage pour rentrer sur le terrain Et là, leur demander de construire avec toi quelque chose. Mais faut qu'il y ait des grandes épousailles. Faut qu'il y ait des grandes épousailles. J'aime bien ce mot épousailles parce que au début, je ne comprenais pas bien. Et puis là, l'amour prend vraiment sa grande définition et où on est dans le cœur des autres et c'est avec le cœur des autres qu'on avance, quoi, et qu'on partage. Ça te va, ça? Bien sûr. Ouais. Plein de notes. Ouais, je vois, mais quand je te vois noter, je pense que c'est intéressant parce que je vois ce que tu notes. Je vois, j'entends pas, je lis pas, mais je vois. Oui, ben voilà, donc, mais je pense qu'effectivement, là, quand tu es par monts et par vaux, bon, ben, t'as pas la concentration nécessaire pour faire grandir cette affaire. Mais je pense qu'il faut que tu profites de ce moment où les choses sont un peu dissolues, les moments de calme, les moments de trouble, bien pour petit à petit construire dans ta tête ton jardin. Et c'est ça. Et c'est la qualité de cette construction que tu sauras faire partager qui va nous permettre de bien bien avancer. Mais pour ça, j'écrirai peut-être un petit peu moins. Oui, mais de toute façon, j'ai fini. Ah bon, ça va alors. En gros, maintenant, je suis sur Dropbox pour mettre des idées et faire déjà. Ben, j'ai rajouté deux personnes hein, D'accord. Qui souhaitaient y rentrer, hein, D'accord. dont Geneviève. Ah, Geneviève a souhaité y rentrer. Alors, Geneviève, quelqu'un qu'on connaît peu, hein, parce qu'elle est arrivée au reflet de Saint-Goustan il n'y a pas très très longtemps. Elle s'est réfugiée dans la foi. Et elle, le vocabulaire religieux, elle doit le comprendre. J'en ai pas de certitude, je n'ai pas parlé avec elle, mais vu. Tu sais, moi je regarde beaucoup les gens, j'essaye de comprendre, j'essaye d'aller au-devant d'eux et de voir un petit peu comment ils se comportent. Et je pense que elle a besoin de la foi. Voilà. Mais alors, je ne suis pas sûr qu'elle se retrouve dans le symbole, à moins que tu l'y amènes. Hein, à moins que tu l'y amènes. Bah, elle peut faire le chemin avec moi parce que moi j'ai une culture de foi au départ, donc Complètement. le langage approprié, je le connais là-dessus. C'est un peu d'ailleurs sur ce langage aussi que j'avais commencé à discuter avec Fried Elfournereau. Parce D'accord. qu'elle disait, ah, l'autre jour je suis allé à une messe, qu'est-ce que ça m'a barbé. D'accord. Donc, et comment ça se fait qu'il n'y a pas de temple protestant ici? Elle est protestante, elle? Oui. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, son mari est. Bah, les Allemands sont en majorité normalement luthériens, donc. Oui, mais elle n'est pas allemande. Friedel? Elle est allemande par son mari, non? Friedel, non, elle est allemande. C'est Hilfried Oui. au départ, mais son mari était français. Ah, c'est le contraire, d'accord, ok, Ouais, son mari s'appelait d'accord. Fourmereau et qui était français. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ah, voilà. C'est pour ça je pense qu'elle s'entend bien avec Michaela. Ah, mais ça, c'est sûr, c'est des grandes copines. Elles vont se faire une bouffe une fois par an, une fois par mois, pour parler en allemand. Ah oui. Mais toute la bouffe se fait en français. Il parle pas du tout allemand. Mais bon, c'est pas grave, ça lui fait. Michaela a besoin de voir du monde et ça lui fait un peu d'échange. Voilà. Mais par Bon. contre, Geneviève Dubois, elle n'est pas allemande. Ah non, ça, c'est le moins qu'on en puisse dire. C'est le moins qu'on en puisse dire. Mais je pense que c'est une femme bien. Mais je la connais très très peu. On Oui. l'a connue dans le confinement, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Mais voilà. Bon, alors, on l'a franchi, cette porte. Alors, où est-ce que tu vas aller, tu veux aller quelque part là? Bah ouais, j'essaye. J'essaye. Moi, je pense, si tu veux, pour bien comprendre un peu les choses. Moi, je serais toi, je noterais des mots directeurs. Ces mots directeurs, tu vois, la porte, c'est un mot directeur. Et j'irais voir ce qu'est la symbolique des portes et les rites de passage. Et pour voir un petit peu comment tu vas passer de ta rue neuve à ton jardin. Et c'est ça, si tu veux, la clé de la réussite de ta démarche, elle est là. C'est la façon dont tu vas savoir créer dans l'esprit de l'autre et de celui qui va franchir la porte, lui donner envie de la franchir, de se promener dans le jardin, de le construire, parce qu'au départ, avant de se promener, il y a quand même un peu de boulot, de le construire et d'y revenir. Parce que c'est ça, hein, si tu veux. C'est toujours là. En tant que commerçant, je me posais toujours la question de savoir pourquoi mes clients revenaient. Un client, il vient, tu lui vends un truc, tu lui vends un autre, mais pourquoi il revient? Avec l'offre qu'on a aujourd'hui, si tu veux, t'as pléthore de choses et t'as vite fait de perdre ton client. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est pourquoi ils viennent et pourquoi ils vont revenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent? Hein? Donc, le rituel de la porte. Ensuite, qu'est-ce que tu vois comme autre symbolique? Qu'on ait des mots directeurs sur lesquels tu puisses cheminer avec tes ouailles et les faire avancer. Il y a l'eau, hein. Alors, toute la Oui. symbolique de l'eau, bon, mais celle-là, je pense que tu la connais, mais c'est bien de la regarder dans son aspect vraiment symbolique, hein. Il y a la terre C'est ça. et il y a le feu. Et quand tu me parlais de Ténérife, là, tu avais les quatre éléments avec toi. La terre, l'eau et le feu. Et le quatrième, c'était quoi? J'ai oublié. Bon, je sais qu'il y en a quatre. Bon. Bah, il y avait quatre. Non, ça me fait penser au film Le Cinquième Élément, mais bon. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon. C'est pas la même chose. Mais donc, je pense que si tu joues sur ces éléments-là, si tu joues sur cette nature, sur cette terre-mère, hein, cette terre-mère qui va nous faire accoucher du merveilleux, nous ramener et rassembler, parce que tu as aussi toute cette symbolique qui est très intéressante, et on en revient à la... Comment ça s'appelle ce premier mot que je t'ai... À l'égrégore. Hein. Voilà. Quand tu ramènes tout ton petit monde, là, tu imagines dans ta tête, là. Tu ramènes tout ton petit monde, ils ont franchi cette porte. Il s'est passé quelque chose, pour ça qu'il faut les préparer à ce qu'il se passe quelque chose dans leur tête. Et après coup, tu les as devant toi, et l'égrégore va commencer à naître. L'égrégore va. T'as regardé l'égrégore dans le dictionnaire des symboles? Ah non, non, non. Ben peut-être, je ne sais pas si c'est marqué. Ouais. Ouais, mais peut-être, peut-être. Et donc, tu vas faire naître un petit peu tout ça, et dans l'esprit de tout un chacun, et tu vas rendre cette terre-mère féconde. Tu vas rendre cette nature, tu vas rendre, ou faire en sorte qu'il y ait de grandes épousailles entre l'être et son créateur, et entre l'être et son jardin. Dans cette nature qui va l'environner, hein, et qui va complètement le métamorphoser. C'est un peu le sens, si tu veux, et là je te ramène aux enseignements de Raphaël Payeur. Quand on voudra, j'en ai d'autres, hein. Qui a sacralisé, si tu veux, toute la démarche. De l'église, mais de l'église dans le sens du bâtiment, de l'autel dans le sens de cette partie centrale sur laquelle tout va se cristalliser. Et ça, je pense que si on sait bien bien l'appréhender, bah, tu fais des choses formidables avec ça. Tu le sens, ça? Ça impressionne, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours impressionnés par le côté symbolique. Et lorsqu'on visite, on le voit d'ailleurs, lorsqu'il y a un bâtiment justement qui a été construit avec toute une symbolique et qu'il y a une visite qui se passe, tu as le groupe qui démarre à 10, qui termine à 50. Complètement. Ça attire énormément. Oui, mais faut-il encore savoir... Regarde un peu ces guides qui savent, je dirais, qui ont la maîtrise totale de leur monument ou de leur espace, et qui, effectivement, à chaque étape, glanent un auditeur supplémentaire, et puis, effectivement, il commence à 10, il termine à 50. Mais ça c'est vraiment passionnant. Mais il faut savoir... tu t'es intéressé à la Gestalt théorie? Non. Non. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Non, du tout. Gestalt théorie. Alors, je ne connais pas bien, mais j'ai retenu des petites choses. Je te fais part de ce que j'ai retenu. C'est la capacité qu'ont les éléments, qu'a notre environnement à influer sur notre psychisme. C'est la capacité que tu as lorsque tu es dans un monument sacré à rentrer, à venir du profane pour rentrer dans le sacré et à te construire au fur et à mesure que tu avances dans ce site et que tu avances dans un site qui va te sacraliser, quoi. C'est un peu la... Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est bien, c'est vraiment ça, hein, le truc. Hein. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui est vraiment... Dis, au fur et à mesure que tu avances, le site te construit. Bien sûr. Bien te sûr. Parle. Bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Hein? Et rappelle-toi, au moment de l'ascension, je crois qu'on en a parlé ensemble, je ne sais pas, il me semble, où, pour moi, si tu veux, cette ascension, c'est... La capacité, c'est le plus grand moment de la culture religieuse chrétienne. Je dis bien chrétienne. Oui, tout à fait. Et où là, Dieu va communiquer et va envoyer par ces petites flammes là tout son savoir. C'est la Pentecôte, ça. C'est la Pentecôte. Voilà, je savais, je me disais bien que je me trompais. Bah toi. Ah, nous deux, on va y arriver, on va faire un truc super. Et voilà, la Pentecôte, c'est la plus belle fête religieuse. Moi, c'est celle qui m'a le plus impressionné, si tu veux. Hein, c'est celle qui m'a le plus impressionné, parce que là, l'homme, la créature et le créateur se rencontrent vraiment. Eh bien, c'est ça qu'il faut créer. C'est cette mécanique. Oui. Bon, mais ça veut dire qu'il faut travailler son truc, quoi. Et moi, ça m'intéresserait, si tu as envie d'aller dans cette voie-là, de t'aider à ce que tu prennes complètement tout ce savoir et que tu sois capable de le retransmettre avec des mots simples. C'est-à-dire, c'est la maîtrise du savoir, hein, parce que d'être capable, avec des mots simples, bah, de retransmettre aux autres ce qu'on a soi-même ingéré, quoi. Tu crois pas? Si. C'est ça. Là, c'est une forme de pédagogie, une pédagogie responsable, vraiment responsable, qui se situe dans le partage, dans la communion. Hein. Le partage, la communion, voilà des mots, des mots forts hein, sur lesquels tu peux donner envie aux autres d'avancer et de venir faire ce bout de chemin avec toi, quoi. Il y a une chose aussi qui me paraît importante, c'est ce que j'ai encore, je ne vais pas dire découvert, mais expérimenté dans la première quinzaine de juillet où j'étais au bord du lac Léman, dans notre propriété, c'est la capacité d'être un réceptacle à l'inspiration. C'est-à-dire, je suis connu dans la famille comme ailleurs, mais ayant énormément d'idées, arrivant à trouver des trucs absolument fantasmagoriques, en montrant que d'autres peuvent en avoir, que toi tu peux en avoir, que l'autre à côté peut en avoir aussi, à condition de sortir un petit peu de ces limites cadres qui sont beaucoup trop rigides. Et finalement, c'est pas mal. Là, par exemple, on a fait dans cette propriété, j'ai mis en place certaines choses que j'ai laissées telles quelles. Et puis là, je leur ai envoyé depuis un jour, j'ai envoyé en fait quelques photos de ce qui a été fait. Ils ont tous envie de venir. Tu vois. Ça s'appelle l'initiation. C'est-à-dire que tu vas permettre à un individu de se métamorphoser, de passer tous ces rites de passage entre toute cette vie trépidante, etc., de se retrouver dans un cadre dans lequel il est bien, hein, par exemple autour. Mmh. Je pense que cette maison autour, au bord du lac Léman doit être un lieu qui fonctionne, hein, parce que tu as des lieux qui fonctionnent et des lieux qui ne fonctionnent pas. Ça aussi, c'est un élément de ton jardin, ça. Hein? Mmh. Et à partir de là, tu vas, à travers ce lieu qui fonctionne, eh bien, transformer l'individu, hein, tel le sourcier avec sa baguette, quoi, qui va petit à petit suivre le parcours des vouivres. Et ça aussi, c'est intéressant, l'histoire des vouivres, parce que... tu es sur Terre et tu suis ces courants telluriques et tu les vois pas, mais tu les sens. Et tu te laisses prendre par eux, quoi. Moi, il y a... Ouais, tu vois, ça, c'est des tas d'éléments, ça, si tu veux. Moi, le jardin est en train de se construire dans ma tête, rien que d'en parler avec toi, si tu veux. Le jardin est en train de se construire, mais... je vois bien cette histoire de baguette de sourcier. C'est ça, hein. De toute façon, il y a un an maintenant, enfin, c'était avant que je sorte en retraite. Hein. On a un géobiologiste, puisque en fait il s'appelle comme ça, géobiologiste ou sourcier, que j'avais fait appel, auquel j'avais fait appel pour me trouver en fait quelques courants. Et puis. Parce que je voulais, il y a des choses qui se passent dans le sol, tu ne sais pas. Bien sûr. Alors moi, au niveau scientifique, je faisais interprétation de photos aériennes et tout ça, mais je sentais qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas dedans. Donc je l'ai fait venir, et puis il m'a dit, mais vous avez les capacités en vous pour pouvoir le faire. Bon, mon père était sourcier. Enfin, il était pasteur, mais il avait des dons de sourcier. Bien sûr. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, Philippe. Oui. C'est les mêmes. Les mêmes que quoi? Ah, c'est un peu tôt d'en parler, mais dis-toi que c'est les mêmes, que tu sois pasteur, que tu sois sourcier, que tu sois guide, oui. Que tu sois... C'est les mêmes techniques, c'est la même capacité que tu as à transcender les éléments, si tu veux. Mmh. Ouais, alors excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, mais c'est ça. Et en fait, c'est vrai que il m'a mis à l'épreuve. Il m'a dit bon bah allez hop au travail. Et puis c'est moi qui ai trouvé les choses, quoi. Ben voilà. Il a vérifié derrière. Ouais. Et bon bah C'est très bien. Alors, immédiatement, quand je suis rentré, Sylvie m'a dit, bon, bah alors, c'est très bien, la retraite, tu vas pouvoir te vendre tes capacités à... Ah, tu vas... nos femmes ont le don de monnayer, de nous faire monnayer nos talents. Ouais, mais je pense... Alors, je fais un petit retour en arrière, mais quoique. Tout individu, quel qu'il soit, a du talent en lui. Mmh. Et c'est la capacité des gens qu'il rencontre. Ça peut être des enseignants, ça peut être des guides, ça peut être des contacts, etc., qui vont faire en sorte que l'individu va se révéler et va devenir talentueux. Mais talentueux, pas tout seul vis-à-vis de lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être reconnu talentueux par les autres. Mmh. On n'est pas talentueux tout seul. On est talentueux que si les autres nous reconnaissent comme tels. Et il faut avoir cette capacité à... Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, lorsque tu disais, voilà, comment t'as dit ? J'apprenais et j'enseignais en même temps, quoi. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait. Ben, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je le voyais très bien, parce qu'il y a des choses qu'en fait qu'on découvrait. Alors, ils étaient amusés de voir que moi, en tant que professeur, je découvrais en même temps qu'eux. Et la seule chose, en fait, que j'avais, c'est que comme j'avais un peu plus d'expérience, en fait, je mettais tout de suite les choses en relation les unes avec les autres. Mais on était tous émerveillés. Voilà. Alors, et tu viens de le dire. Cette simultanéité, elle est super bien, quoi. C'est l'expérience qui fait ça, si tu veux. Ah oui. Le talent, c'est la conjugaison de plein d'expériences, plein de savoirs, plein de connaissances. Et surtout, de le partager. Si tu ne le partages pas, t'es mort. T'es un individu frigide, quoi. C'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. C'est un peu la parabole, hein. La parabole biblique des talents, où t'en as un qui, en fait, va le foutre dans un coffre et puis le cacher jusqu'au moment où le maître qui lui a confié ses talents revient. Et en fait, il dit, ben voilà, moi, je te le rends maintenant. Il n'a pas été perdu, on l'a pas volé. Voilà. Exactement. Et il se fait traiter de mauvais. Ben oui. Parce qu'en fait, c'est un talent dont il n'a pas fructifié. Exactement. Exactement. Et je pense que nous avons tous des talents en nous, mais l'intérêt, c'est de les faire fructifier. Et c'est dans ta communication avec les autres, la capacité que tu vas permettre aux autres de faire fructifier leur propre talent et de leur donner envie, parce que quand tu es avec l'autre et que l'autre se révèle petit à petit et grandit à tes côtés et prend confiance en toi, prend et se dit voilà, ben, grâce à Philippe je me révèle et je vais avancer, on va faire des trucs ensemble et ça va être bien, bon, ben voilà. Je pense que l'un des fils conducteurs, eh bien, il est bien là. Dis-moi, Philippe, je reviens un peu en arrière. Bon, alors, je sais qu'il y a eu plein de choses dans l'intervalle, mais la dernière fois qu'on a échangé, on devait être le 15 juillet, ou quelque chose comme ça. Non, peut-être non, pas. Non, parce c'était que avant. J'ai essayé de me joindre et je ne pouvais pas. Tout à fait, c'était avant. Et tu avais déjà pris plein de notes, et je t'avais dit, mets tout ça par écrit, hein, on a parlé des rites de passage, hein, et on n'a pas été au-delà, mais le rite de passage est déjà, et on l'a revu là maintenant, un élément important. Est-ce que tu as mis en musique un petit peu ce qu'on s'était dit à l'époque ? En fait, je t'en ai envoyé un petit morceau, et j'avais déjà commencé à réécrire un peu le... tu sais, tu disais qu'il faudrait commencer par la signature, l'explication de la signature. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, on a parlé de la signature, voilà. Bon. Alors du coup, il y avait peu de signatures aujourd'hui. Mais bon. Bah, là, en fait, je navigue sur deux sites et il y en a un qui a la signature un peu torboyau et l'autre qui ne l'a pas. Voilà. Voilà. D'accord. Et c'est la signature un peu torboyau. Donc, je t'avais un petit peu parlé oui. Pas très très longtemps, justement, tout pour dire fait. Est-ce que. Résistant, est-ce que. Oui, bah, on a échangé là-dessus. Résistante. Voilà, on a échangé un petit peu. Je t'avais dit quoi, moi j'avais employé un mot beaucoup plus fort. Mais bon, alors, c'est toi. Dire, est-ce que c'est résistant ou dissident ? Voilà. Alors donc. Ouais, mais et toi, tu avais mis un truc. Là, je pense que c'est un peu trop. Oui, oui, non, mais c'était trop. Mais j'en étais conscient. Mais c'est toi qui fais les dosages. C'est toi qui fais les dosages. Moi, si tu veux, de ma part, ça sera souvent trop. Ça souvent trop parce que c'est toi qui dois faire le chemin. Moi, j'ouvre. J'ouvre entre guillemets. J'essaye d'ouvrir. Et c'est toi qui prends, et c'est... Pardonne-moi, je fais deux choses en même temps, je suis au jardin. Je suis au jardin à chercher, parce que quand tu me dis que tu as... que tu as parlé... Que... Attends, je suis confus, là. Et puis je vois l'heure qui passe, et oui, les 10... Ah, j'ai bientôt... Les 17 heures, ouais, j'ai bien noté ça. Alors, en tout cas, je sais que tu veux en fait un peu plus de notes, oui. Oui. J'ai préparé déjà quelque chose. Voilà, c'était ce qu'on s'était dit. On vient encore d'en rajouter un petit peu. Alors là, il faut que je comment dire ça. Comment je vais synthétiser ça? Ce qu'on vient de rajouter là maintenant. Oui. Oui, aujourd'hui. Ben, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Mais bien sûr. C'est une question de rite et de. Mais et bien de sûr. De bien porte. Sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'était ça, en fin de compte, que je t'avais proposé de mettre par écrit, quoi, de façon à ce qu'on ne perde pas, si tu veux. Parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis plutôt de la parole, du verbe, et toi, tu es plutôt de l'écrit. Bon, alors, ça nous complète bien, hein, c'est bien. Mais ce que je te dis là aujourd'hui, eh ben, je te l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, ou peut-être pas, etc. Mais À chaque fois, je dirais, même si en fait on navigue sur les mêmes mots, et c'est normal, puisque en fait on est en train de préparer l'intervention de septembre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rien. Cette intervention de septembre, c'est justement c'est ce rassemblement qui va faire que en fait on va démarrer quelque chose avec la confiance des autres. Oui. Et ça c'est super important. Donc ça se prépare en ce moment. C'est vrai que je suis un peu chahuté en ce moment. Oui, oui, dès oui. Dès que je peux oui, me mettre un peu à part, bien je sûr. Le fais. Et puis je fais en même temps les expériences qui font que il y a quelques petites choses qui changent en cours de route. Bien et sûr. Mais tiens, ça peut être amélioré encore. Mais bien sûr. Voilà. Et bien sûr. Et sache que ce n'est qu'un début, mon ami. Oui. ce n'est qu'un début. Dis-moi, septembre, tu as dit que tu serais à Auray, c'est ça? Oui, le 12. Mais alors, je n'ai pas noté le 12. Ouais, alors ça tombe. Alors, le 12, il y a une chose, et je ne sais pas encore. Ah oui, si intervention à Philippe à Saint-Goustan, voilà ce que j'avais noté. Oui, c'est ça. Philippe à Auray. Et nous, le 12, bah. Je serai pas là. Je crois qu'on est chez les Spoons, là. Ouais, ça va être encore ça. En fait, il y a plusieurs présentations. Il y en a seulement une qui est fixe, puisque c'est le président de l'association de protection Saint-Goustan qui a fixé le 12 septembre pour son AG. C'est donc ça. Je lui ai dit que je participerais. Il m'avait demandé de faire une présentation du projet. Pour son AG, c'est quoi déjà l'association ? Association de protection de Saint-Goustan. D'accord. Ah oui. Tu m'avais dit tout ça. Tu m'avais dit tout oui, ça. Oui, tout oui. À fait. C'est très clair. Mais toi, tu es à Saint-Goustan de quand à quand? Est-ce que tu as arrêté alors, des dates ou... Je ne sais pas encore parce d'accord. que je souhaiterais avoir au moins une idée des deux autres interventions que je dois faire. Il y en a une que je dois faire à la mairie, au niveau de la nouvelle municipalité, c'est bien ça. Qui m'a dit bon, pour l'instant, on est en train de s'organiser, mais on reprend contact avec vous dès que possible. Et puis il y a une troisième qui est au niveau de Kerplouse, voilà. Ah oui, d'accord. Et Alors, Kerplus, je pense que j'aurai pas beaucoup de réponses avant septembre même. Bah, ça, c'est sûr. Donc, c'est surtout la municipalité que j'attends un d'accord. peu pour que je sache si dois, je dois faire le 12 et après, ou bien avant et le 12. Quoi. Ah, d'accord. Je pourrais pas rester 15 jours. D'accord. Que, ça va faire attends, qui te pas, Philippe? Allô? Allô? Allô? Bon, ça marche pas. Bon. C'est normal, j'enregistre, Michaela m'appelle, bon, bien, bon, écoute. Bon, donc tu t'organises pour septembre, bon, ben... Voilà, là je suis encore en train de scruter, d'accord. Je sais seulement que là il y a une date qui est sûre. D'accord. Parce que moi j'aimerais bien être là, moi j'aimerais bien voir un petit peu, te sentir un peu dans ta chair. Ah ouais, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, hein. Bon, écoute-moi mon ami, il est 17h03, oui. Je vais là, il va falloir que j'y aille. Hein, il va falloir que tu y ailles, un grand merci de ce bon, de cet entre-deux, on va l'appeler entre-deux aujourd'hui là, hein. On a un peu été sur la rue Neuve, un peu sur la porte, un peu sur les sinusoïdes du jardin, mais bon. La prochaine fois, c'est quand la prochaine fois qu'on cause? On va garder le... Alors, c'est mercredi, c'est quoi ça le... Parce que c'est vrai que... Le prochain, c'est le 29. On doit dégager à un moment, puisque ce sont les frères et sœurs de Sylvie qui doivent prendre le relais ici. Mais en fait, on s'attend à ce que la belle-mère sorte de l'hôpital. D'accord. Et tout aussi bien, elle prendra la décision d'aller à la campagne. Alors là, ça va encore changer complètement les choses. D'accord. Bon. Donc, on va, de principe, on va maintenir le rythme du mercredi à 17h. D'accord. D'accord. Et 17h, puis... ça risque d'être un peu casse-pied. On va plutôt parler de 16h. Voilà. Mercredi, 16h. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, je te préviens. Eh ben voilà. Alors, il vaut mieux que je te prévienne par SMS, c'est ça, ça ouais, parce que WhatsApp, je peux lire tes, comment oui. dirais-je, tes messages, mais j'y pense pas, si tu veux. Ah, t'es le seul avec qui je cause sur WhatsApp. Donc, j'y vais pas. Donc, le SMS, ça me va bien. Hein. Alors, SMS, hein, c'est bon. On fait comme tu ça vois que... Ces histoires de communication, c'est pas évident. C'est pas simple du tout. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver un vecteur commun à tout le monde. Ouais. Hein? Voilà. Bon, et ouais, ben... Il y en a qui vont très vite me dire, et ça je m'y attends, hein, bon, ouais, vous pouvez pas être plus souvent là. Ben, ça, c'est très bon signe. Le jour où on te dit ça, ça va te forcer à venir avec ta tante. mais c'est très bon signe. Si on te dit ça, t'auras gagné. Oui. Mais voilà, il faut y arriver. Mon ami, je te laisse. Salut. À bientôt. Salut à toi. Et puis bon courage pour la suite, quoi. Et à mercredi prochain, 16h. Hein? D'accord? Salut. Salut. Au revoir.